Où est l'épaule sur laquelle je me reposais? La présence chaude que mon corps aimait serrer. Où est passée la voix qui répondait à mes questions? L'autre moitié de moi sans qui je perdais la raison. Quand le jour me réveille et qu'il m'offre encore ses plus beaux éclats, le vide est le même, tu n'es plus là. Dans mon de mes sommeils, je respire mais je sais que je ne vis pas plus. J'y pense tous les jours, j'ai même peur d'accepter.